بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكماس إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc on continue avec notre livre بهجة القاري. C'est le livre donc des فوائد منهجية التربوية du chapitre de Al-I'tisam dans Sahih al-Bukhari. Les explications de Cheikh Rabi' hafizahullah. Sauf que on a terminé le livre et maintenant c'est les questions et réponses. Donc on voulait traduire certaines de ces questions-là. On est arrivé maintenant à la question numéro 4. Et c'est une question intéressante, et au dernier cours j'avais dit que c'était bien de la laisser parce que, étant donné que la réponse était assez longue, que ça allait prendre un cours au complet pour la traduire. Donc, la question c'est la suivante. ما موقف المبتدئ من الاختلاف الذي يقع بين علماء السنة في بعض الفتاوى خاصة وأن البعض يتعصب لبعض العلماء ويحمله على التنقص من الآخر فكيف توجهون الشباب في هذا الباب وجزاكم الله خيرا الجواب أوجه الشباب أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يوطنوا أنفسهم على معرفة الحق والتمييز بين الحق والباطل وفي مثل هذه الخلافات التي تحصل بين أهل السنة لأنه قد يكون الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع أو إنسان كان على السنة ودخل في بدعة وعاندة فلا يصدق عليه أنه خلاف بين أهل السنة لأن بعض الناس عنده بدع كثيرة وضلالات وفجور وكذب وخيانات وإجرام وغير ذلك ويقولون هو من أهل السنة والاختلاف شخصي وكل هذا من أكاذيب وأساليب أهل الباطل ترويجا لباطلهم وخداعا لمن عنده شيء من السلفية فأنت إذا وجد خلاف فلا تتكلم ابحث عن الحق ولا تخض في هذه الأمور حتى تعرف المصيب من المخطئ وعندئذ يجب أن تصدع بالحق لأن هذا من نصرة الإسلام ونصرة الحق والسكوت الدائم والحياد الدائم هذا خذلان للحق فعلى طالب العلم أن يبحث في ضوء كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفقه السلف ومنهجهم حتى يظهر له الحق كالشمس ثم بعد ذلك يتكلم بهذا الحق فإن ظهر له الحق وتكلم بالباطل فهو من أهل البدع والأهواء لأن نصرة المظلوم ونصرة الحق أمر محتم على المسلمين قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما إذا ظلم أخوك فيجب عليك نصره في دنياه فكيف بدينه ظلم من أجل الدين وامتهن من أجل الدين وأوذي من أجل الدين ثم يتسكعون ويتفرجون ويقولون خلاف شخصي وخلاف بين أهل السنة. Ok, on va traduire jusqu'ici et on continuera la suite. Donc ici, la question qui a été posée au Cheikh Rabi', c'est la question suivante. Quelle est la position de celui qui est débutant dans la connaissance de l'islam vis-à-vis des divergences qui peuvent se produire entre les ulama de la sunna au sujet de certaines fatawas, en particulier du fait que certains peuvent s'attacher fanatiquement à certains ulama et que cela peut les amener à dénigrer les autres. Alors, comment vous orientez les jeunes dans ce genre de domaine ou dans ce genre de sujet, que Allah vous récompense en mieux. Le cheikh, il a répondu en disant, premièrement, j'oriente les jeunes de se préserver d'Allah en eux-mêmes et de placer leur personne sur le fait de connaître la vérité et de distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et il dit, dans ce genre de divergences qui peuvent se produire entre les gens de la sunna, il dit, parce que c'est possible que cette divergence soit en réalité une divergence entre les gens de la sunna et les gens de la bid'a. Ou une personne qui, au départ, était dans la sunna, puis qui, par la suite, est rentrée dans la bid'a et s'est obstinée à rester sur la bid'a. Alors, à ce moment-là, on ne peut plus dire que c'est une divergence entre les gens de la sunna. Parce que certaines personnes ont beaucoup d'innovation et de bid'a et d'égarement et de perversité et de mensonges et de trahison et de crimes et autre chose de ce genre. Puis, quand ils parlent, ils disent « Il fait partie des gens de la sunna » et c'est une divergence personnelle. Alors que toutes ces choses sont des mensonges et des ruses parmi les ruses des gens de la fausseté qu'ils propagent, hein, qu'ils utilisent pour propager leurs mensonges et leurs faussetés, et pour tromper tous ceux qui ont une part de la salafie, ou qui ont quelque chose, un lien quelconque avec la salafie. Alors il dit, si toi tu trouves une divergence, ne parle pas. Cherche la vérité, et ne rentre pas dans des disputes ou des discussions à ce sujet, jusqu'à ce que tu saches distinguer entre celui qui est sur la position correcte de celui qui est dans l'erreur. Et à ce moment-là, une fois que tu l'as trouvé, eh bien, expose ouvertement la vérité. Car cela fait partie de défendre l'islam et de défendre la vérité. Et de se taire de façon permanente et de se détourner de façon permanente de cette question, eh bien ça représente une forme d'abandon ou de lâcheté vis-à-vis de la vérité. Donc la personne qui est en quête du savoir, le talib ilm, il doit chercher la vérité à la lumière du livre d'Allah et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et selon la compréhension des salafs ainsi que leur méthodologie. Puis une fois que la vérité lui est devenue apparente comme le soleil, alors à ce moment-là, après cela, elle peut parler et dire la vérité à ce sujet. Car la vérité lui est apparue clairement. Et si elle a vu clairement la vérité, mais que malgré tout, elle parle pour défendre le faux ou dire des choses fausses, alors cette personne sera à ce moment-là parmi les gens de la bid'a et de la passion. Parce que le fait de défendre l'opprimé et de défendre la vérité dans l'islam, c'est une chose qui est certaine, établie pour les musulmans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté par Al-Bukhari, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, « Viens au secours de ton frère, qu'il soit opprimé ou qu'il soit celui qui fait l'injustice. » Et lorsque ton frère est opprimé, il est obligatoire pour toi de venir à son secours, que ce soit dans les affaires, même si c'est dans les choses de la dunya, alors que dire lorsqu'il s'agit des choses de la religion? Donc si ton frère a été opprimé à cause de la religion, il a été dénigré à cause de la religion, il a été offensé à cause de la religion, ou bien on lui a fait des persécutions à cause de la religion, puis après toi tu restes derrière et tu regardes et tu dis c'est une divergence personnelle, c'est une divergence entre les gens de la sunna, et tu restes derrière, hein, ça c'est inacceptable. Et le cheikh il dit ensuite, fadkhul bi'ilm wa hujjatin wa burhan. ولا تدخل بسفاهة وطيش وتقليد أعمى فبعض الناس يقلد حتى في الباطل والظلم لا حاول أن تعرف الحق بدليله وتدين الله به وحينئذ يجب أن يكون لك موقف في نصرة الحق وضحد الباطل. المؤمن الصادق لا يوالي ولا يعادي إلا على الحق، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف. وأما بعض الناس فيدعي أنه من أهل السنة ويوالي ويعادي على الباطل، فهؤلاء لهم شبه بالتتار الكفار المجرمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية، وهذه عصبية عمياء. Donc ici le cheikh il continue et il dit: rentre dans cette question avec science, avec preuve, avec évidence, et n'entre pas avec faiblesse d'esprit, avec sauvagerie, avec un suivi aveugle. Juste répète qu'est-ce que les gens disent sans savoir, sans connaître les preuves. Parce qu'il y a des gens qui suivent aveuglément les autres, même dans le faux et dans l'injustice. Il dit non, tu dois essayer de connaître la vérité avec sa preuve, et tu dois prendre cela comme étant une religion que tu prends cette position comme étant une chose qui fait partie de ta religion devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, il est obligatoire pour toi de prendre la position qui défend la vérité et qui détruit le faux. Et le croyant qui est sincère, il ne va s'allier et il ne va s'opposer que selon ce qui est basé sur la vérité. C'est-à-dire, tu vas t'allier avec quelqu'un uniquement sur la vérité. Et tu vas t'opposer à quelqu'un uniquement par rapport à la vérité. Par rapport à ce qui est dans le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sur quoi étaient les salafs, les pieux prédécesseurs. Tandis qu'il y a certaines personnes qui disent qu'ils sont qu'ils font partie des gens de la sunna, alors qu'ils s'allient avec des gens sur le faux, et ils prennent en opposition ou en animosité des gens sur le faux. C'est-à-dire ils se basent sur le faux pour s'opposer à eux. Et donc ceux-là, ils ont quelque chose de semblable aux Tatars, les Mongols, Tatars qui ont envahi les pays musulmans à l'époque de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et avant. Donc les Tatars, ils ont cette caractéristique qu'ils se rallient les uns aux autres, même dans le faux, et qu'ils se viennent les uns au secours des autres, même dans l'injustice. Ça, c'est une des caractéristiques des Tatars et de beaucoup d'autres parmi les peuples mécréants. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mis en garde contre les gens qui ont cette caractéristique-là et contre cette caractéristique en particulier. Il dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam muslim, selon Jundub ibn Abdullah, il dit: quiconque combat sous une bannière aveugle et qui appelle à un tribalisme ou à un groupe quelconque et qui défend un groupe quelconque, il y en a de façon aveugle, alors sa mort, s'il meurt dans ce combat-là, c'est une mort semblable à la mort de l'ignorance, à la période de l'ignorance, la période pré-islamique. Donc cette forme de fanatisme, de s'attacher à un groupe, de défendre une tribu ou un groupe ou une fraction ou un parti, ou une chose quelconque, une caractéristique quelconque qui ne fait pas partie des principes de l'islam, et toi tu te rallies avec les gens en te basant sur ce principe-là qui contredit la religion, alors ça devient une forme de asabiyya, ça devient une forme de djahiliya. Et donc si tu te mets avec des gens en te basant sur ce qui est faux, tu as cette caractéristique-là. Et si tu refuse de défendre l'opprimé et de venir au secours de l'opprimé à cause de yani, cette forme hein, de jahiliya, de asabiya, alors tu rentres dans cette caractéristique aussi. Le cheikh il dit ensuite, wa ana indi kutayb fi ta'assub al-dhamim iqra'uh fa fihi tafasil jayyida asallu Allah an yanfa' bih wa in lam yaqra'uh wa in lam yaqra' al-muslim fi mithli hadha al-kitab alayhi an yatatabba' kalam as-salaf fi dhamm at-taqlid al-a'ma wat-ta'assub wal-hawa. قال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين فالمؤمن دائما يمشي على هدى ويمشي في ضوء الكتاب والسنة فإذا خالف الكتاب والسنة مشى في الهوى والظلمات والأباطيل نسأل الله العفو والعافية وبعدها يدخل في الفتنة شيئا فشيئا كما قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصير على قلبين أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه فالذي يريد الله به الخير يرد هذه الشبه وهذه الفتن وينكرها ولو بفطرته وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على نوعين أبيض على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض يكافئه الله تبارك وتعالى بإنكاره المنكر والباطل فينكت فيه نكتة بيضاء فيحفظه الله بهذا الموقف النبيل إلى يوم القيامة فلا تضره فتنة وهذا أمر عظيم وهو كما يقال مفترق طرق إما أن تنكر الباطل فينكت في قلبك نكتة بيضاء فيحميك الله من الوقوع في الضلال وإما أن تسترسل مع الباطل وتقبله وتتشربه فتزداد في الشر والاندحار حتى يصير قلبك أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا والأسود المرباد من أخص الألوان يعني وشكله فظيع وقبيح كالكوز مجخيا يعني فمه إلى أسفل وأسته إلى أعلى تصب عليه المياه لا يقبل شيئا فيأتي الحق ويأتي الخير ولا يقبل أبدا إلا ما أشرب من هواه فلا يقبل إلا الباطل فتبدأ الفتنة ويتحمس ويمتحن الله العبد فإن وفقه الله عز وجل وأنكر الباطل كافأه الله بحمايته وحفظه من الوقوع في الفتن فلا تضره فتنة إلى يوم القيامة وإن أشربها نكتت فيه نكتة سوداء ثم تتسع وتتسع حتى يصير قلبه أسود مربادا ثم ينعكس وينتكس فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. Donc ici le cheikh il explique par la suite que le vrai croyant, donc on a dit ça déjà, il dit, et j'ai un petit livre qui s'intitule At-Ta'assub al-Dhamim, c'est-à-dire le fanatisme blâmable. Lisez-le, lisez ce livre. Il y a dedans des détails bénéfiques. Et j'ai déjà fait la lecture de ce livre bénéfique. On l'a lu dans un, je pense, dans un séminaire. On a fait la traduction. Le cheikh, il dit, il y a dedans des détails très bénéfiques et très bons. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ce livre-là soit quelque chose par lequel Yani, il profite à ses serviteurs. Et il dit, si le musulman ne lit pas ce livre, et qu'il lise du moins, yani, qu'il suive les paroles des salafs. Qu'est-ce qui a été rapporté de la part des salafs au sujet du fait de blâmer le suivi aveugle et le fanatisme et les passions? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 50 dans Surat al-Qasas, ce qui signifie, et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans guidance venant d'Allah. Et certes, Allah ne guide pas les peuples injustes. Donc le croyant, il doit toujours marcher sur la guidance, marcher sur la lumière du livre d'Allah et de la sunna. Et si il contredit le Coran et la sunna, et qu'il marche dans le péché, qu'il marche dans la passion, dans l'injustice et dans les faussetés, que Allah nous en préserve, eh bien, il dit le cheikh qu'après cela, il rentre dans la fitna petit à petit. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans le hadith. Il dit que les épreuves, les tribulations, les tentations, elles se présentent au cœur. Et elles sont comme des... Hein, les tiges de palmes, hein, comme on dit, les rameaux avec lesquels on tisse les tapis ou bien les... on tisse des fois des paniers ou des tapis comme ça avec ces genres de rameaux. Et donc, elles viennent les unes par-dessus les autres et elles se suivent les unes après les autres. Et ça, c'est la réalité et la nature des fitanes, des tentations et des épreuves. Il y en a une qui arrive, et puis il y en a une autre qui arrive, puis il y en a une autre qui arrive, elles se suivent les unes après les autres. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, n'importe quel cœur absorbe cette fitna, eh bien, il y a une marque noire qui se fait sur son cœur. Et n'importe quel cœur rejette cette fitna, eh bien, il y a sur son cœur une marque blanche qui se fait. Jusqu'à ce qu'à la fin, les cœurs deviennent de deux sortes. Le cœur qui est blanc et pur et qui n'est jamais affecté par une fitna jusqu'à ce que, tant que les cieux et la terre vont rester, jusqu'à la fin des temps, ils ne vont plus être affectés par les fitanes parce qu'ils ont rejeté la fitna depuis le début. Et tandis qu'il y aura d'autres avec le cœur qui devient complètement noir. Hein, noir, complètement sombre. Comme un verre qui est mis à l'envers, renversé. Alors il ne reconnaît plus aucune chose qui est bonne et il ne sait plus distinguer entre le bien et le mal, excepté ce qui est en accord avec ses passions. Et le cheikh, il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala, celui pour qui il veut du bien, eh bien il lui réfute ses tribulations et ses tentations. Il fait en sorte qu'il rejette ses tentations et ses tribulations. Même par sa fitra, par sa nature saine. Et n'importe quel cœur, donc, rejette cette fitna, eh bien, on voit apparaître sur son cœur une tache blanche. Jusqu'à ce que les cœurs deviennent de deux types. Le blanc, qui est pur et qui n'est plus affecté par aucune fitna. Hein, tant que les cieux et la terre sont là, Allah subhanahu wa ta'ala le défend. Hein? Parce qu'il a renié et rejeté le faux et qu'est-ce qui est mauvais. Et il a écrit par conséquent, à cause de ça, il met une tache blanche sur son cœur. Et Allah va le protéger et le préserver à cause de cette noble position qu'il a adoptée face à cette fitna. Allah va le protéger jusqu'au jour de la résurrection. Il ne sera donc jamais affecté par une fitna. À cause de ça, parce qu'il est resté sincère et véridique. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Et l'endroit où se séparent les chemins. Ou bien, c'est-à-dire, soit que tu vas... C'est à ce moment-là, devant la fitna, tu as deux positions, tu as deux possibilités. Soit que tu la rejettes, cette fitna, et tu rejettes le faux qui vient avec, et ton cœur devient blanc, et Allah te protège de tomber dans l'égarement. Ou soit tu te laisses aller dans le faux, et ton cœur l'accepte et l'absorbe, et tu augmentes dans le mal et dans la déviation jusqu'à ce que ton cœur devienne complètement noir, comme le verre un verre, un contenant, lorsqu'il est à l'envers, alors tu ne peux plus rejeter le mal et tu ne peux plus accepter le bien. Et donc, on dit le noir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le cœur devient noir, murbadan. C'est-à-dire, c'est une couleur qui est très laide, comme quelque chose qui est sale. Et c'est la pire des couleurs. Et il dit, il est comme un verre qui est mis à l'envers, c'est-à-dire un verre, ou une tasse, ou une coupe. N'importe quel contenant, si tu le renverses, et que tu essaies de verser quelque chose, au lieu de rester dans le contenant, eh bien ça coule et ça tombe. Pourquoi? Parce qu'il est à l'envers. Et donc le cheikh, il dit, il ne garde aucun bien. Il n'est pas capable de garder rien de la vérité, ni du bien. Hein? Excepté ce qui est en accord avec sa passion, il n'acceptera donc que le faux. Et donc, c'est parce qu'au début de la fitna, Allah, il te met à l'épreuve, il te teste. Hein? Et si Allah te donne le succès, tu vas rejeter le faux. Et Allah, par conséquent, va te protéger et va te défendre, hein? Et va t'éloigner de tomber dans les fitnes. Mais, et par conséquent, tu ne seras plus affecté par le mal de la fitna jusqu'au jour de la résurrection. Toutefois, si tu absorbes cette fitna, eh bien, il y a une marque noire qui se pose sur ton cœur et ça commence à s'élargir et à s'élargir et à s'élargir jusqu'à ce que le cœur entier devienne noir complètement. Et la noirceur, la forme de noirceur, la couleur noire, mais la noire le plus laid de toutes les couleurs noires, comme la saleté. Et il dit, et donc la position de cette personne fait en sorte qu'elle s'égare de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'elle a rejeté la vérité et elle a refusé la vérité. Alors après, elle n'est plus capable de distinguer le vrai de ce qui est faux. Et elle accepte que le faux et elle rejette le vrai, excepté ce qui est en accord avec sa passion. « يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا » وسبب هذا الانتكاس وتشرب الفتن والله أعلم حب الدنيا وإيثارها على دين الله الحق فكونوا من طلاب الآخرة لا من طلاب الدنيا ومن طلاب الحق وخذوا العلم من مصادره الصحيحة وتمسكوا به وعضوا عليها بالنواجذ كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لن تعرف الحق من الباطل إلا إذا رجعت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين فتميز بين المحق والمبطل وبين الحق والباطل فإذا عرفته فتمسك به وعض عليه بالنواجذ. Donc le cheikh, il dit, à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il vend sa religion pour une part de la dunya. C'est un hadith rapporté par l'imam Muslim, selon Abi Huraira, radiyallahu anhu. Et la raison la cause pourquoi cette personne, elle se détourne de la vérité et elle absorbe la fitna. Allah sait mieux, mais cette raison semble être le fait qu'il a aimé la dunya et qu'il l'a préférée à la religion d'Allah et à la vérité. Alors, soyez des gens qui sont à la quête de l'au-delà, ou qui cherchent l'au-delà, et non pas des gens qui sont en train de faire la quête de la dunya. Soyez parmi des gens qui recherchent la vérité, et prenez la science de ces ressources, ou de ces sources authentiques. Et accrochez-vous à cette science, et mordez dedans avec vos molaires. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a ordonné. Et toi, tu ne vas pas être capable de connaître la vérité de ce qui est faux, excepté si tu reviens à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et à la sunna des khulafa rachidin. Et par conséquent, après, tu seras capable de distinguer entre celui qui est vrai et celui qui est faux. Hein? Celui qui est sur la vérité et celui qui est sur le faux. Et entre la vérité et le faux, elle-même. Et lorsque tu l'as connu, cette vérité, et tu as connu ce qui est faux, eh bien, accroche-toi à cette vérité et mords dedans avec tes molaires. لفخر الرازي كلام يستحق القراءة وهو كان من أئمة الكلام وعنده أخطاء كثيرة لكنه قال كلاما حقا هنا قال ولو تأملت حق التأمل لوجدت هذا الداء يعني التعصب ساريا في عروق الأكثر من أهل الدنيا يعني داء التعصب للمذاهب وللرأي وللفكر وللسياسة والحزب والقبيلة سار في أكثر الناس فكيف لو رأى وعاش وعاصر هذا الوقت ورأى فيه العجائب مما هو أدهى وأمر مما كان حاصلا في عهده في عهده كان التعصب للمذاهب والتعصب للعلماء أما الآن فيتعصبون لجهال سفهاء فجر مجرمين Le Cheikh il dit, Fakhr al-Razi, il a une parole qui mérite d'être lue. Il dit, malgré que c'était un des imams de la, yani du kalam, hein, kalam c'est-à-dire la philosophie et la théologie spéculative basée sur la philosophie et ainsi de suite. Donc c'est une des personnes qui est dans les égarements. Sauf que, hein, il a de nombreuses erreurs. Sauf qu'il a une parole ici qui est vraie. Il a dit, si tu médites réellement, tu trouveras que yani, ce malheur ou ce mal, c'est-à-dire le fanatisme, il coule dans les veines de la plupart des gens de la dunya. Et le Cheikh, il dit, Cheikh Rabi, il explique, il dit, le mal, hein, cette maladie du fanatisme envers le madhab, ce fanatisme envers l'opinion, ce fanatisme envers la pensée d'un tel ou d'un tel, envers la politique d'un tel ou d'un tel, envers tel ou tel parti, envers telle ou telle tribu. Il dit ça, ça coule dans la plupart des gens. Et il dit, lui, Fakhr al-Razi, il a dit ça à son époque. Que dirait-il aujourd'hui s'il verrait ce qui se passe à notre époque? Il aurait vu des choses des plus étonnantes. Et beaucoup plus mauvaise et beaucoup plus amère et beaucoup pire que qu'est-ce qu'on voyait à son époque à lui. À son époque, les gens s'attachaient fanatiquement à des madhahib, des positions dans le fiqh ou à des ulama. Tandis qu'à notre époque aujourd'hui, les gens s'attachent fanatiquement à des ignorants, à des faibles d'esprit, à des pervers et à des criminels. والفخر الرازي ذكر هذا الكلام عند تفسير قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فجعل التعصب للمذاهب من هذا الباب وهو اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله فكيف تتعصب لمذهب معين وقد فاته في شيء كثير من السنة فالحق ليس موجودا في مذهب واحد معين بل عنده حق وقد يكون فاته شيء موجود عند الآخر الحق في مجموعه ما ضاع منه شيء لكن هذا المذهب فيه حق وخطأ والآخر كذلك وهكذا الآخر على تفاوت بينها فإن تتمسك بمذهب ما بحذافيره و يعني فإن تتمسك بمذهب ما بحذافيره بصوابه وخطئه هذا ظلم وبلاء ومرض وهوى لكن كن باحثا عن الحق فخذ الحق من كل مذهب ودع الخطأ فيه تدور مع الدليل ولا يميز هذا التميز إلا من عرف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واهتم بهما فيكون عنده نور يميز به الخطأ ولو كان عند أكبر الأئمة. Donc ici le Cheikh il dit Fakhr al-Razi, il a mentionné cette parole lorsqu'il a fait le tafsir du verset 31 dans sourate At-Tawbah. Dans son tafsir, ils ont pris leur rabbin et leurs moines comme Seigneur en dehors d'Allah. Et il a fait, du fait de s'attacher fanatiquement à une école ou à un madhhab quelconque, il a fait ça, il a fait rentrer ce sujet dans la signification de ce verset. Et le cheikh, il dit donc, c'est comme s'il avait pris les rabbins et les moines comme des seigneurs en dehors d'Allah. Alors que dire de celui qui s'accroche fanatiquement à un madhhab quelconque, alors qu'on sait très bien que ce madhhab, il y a beaucoup de choses de la vérité qui lui ont échappé. Et il dit que la vérité, elle n'est pas présente dans un seul, tout ensemble dans un seul madhhab. Il n'y a pas un madhhab qui contient toute la vérité ou complet. Yani, elle a une part de la vérité, mais c'est possible que beaucoup de la vérité lui manque et que la vérité soit présente dans un autre madhhab. Mais la vérité tout ensemble, elle existe, elle n'a pas été perdue. Il n'y a rien de la vérité qui a été perdue, sauf qu'elle n'est pas dans un seul madhhab. Dans le madhhab, un madhhab quelconque, tu vas trouver des choses de vérité et tu vas trouver des erreurs. Et la même chose pour l'autre, et la même chose pour l'autre. Et avec des différences entre eux, c'est-à-dire des degrés différents d'erreur et des degrés différents de vérité. Donc si tu t'accroches à un seul madhhab, tout au complet, ce qu'il y a dedans, de vrai et de faux, il dit, ben dans ce cas-là, ça c'est de l'injustice. Et c'est un malheur. Et c'est une maladie. Et c'est de la passion. Mais plutôt, sois quelqu'un qui cherche la vérité. Et prend la vérité de n'importe quel madhhab d'où il vient. Et rejette et laisse l'erreur qui est dans le madhhab. Et tourne là où se trouve la vérité. Et il dit, tu ne pourras pas avoir cette distinction et ce discernement, excepté si tu as connu le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et que tu as donné de l'importance à ces deux sources. Donc celui qui a cette science et cette connaissance, il a une lumière avec lui, qui lui permettra d'être capable de distinguer entre l'erreur, hein, entre les erreurs et la vérité, même si cette erreur s'était produite chez les plus grands imams. Et le cheikh il dit ensuite, « وَالْعُلَمَا حَارَبُوا التَّعَصُّبُ مَا بِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَا إِلَّا وَحَارَبَ التَّعَصُّبُ وَحَارَبَ التَّقْلِيدُ وَقَرَّرُوا أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ كُلٍّ وَيُتْرَكُ إِلَّا رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ حَتَّى مِنْ أَحَادِ الصَّحَابَةِ أخذوا منهم ما وافق السنة وما خالف باجتهاد يردونه فالصحابي لا يتبع هواه ولكن قد يجتهد ويخطئ لا يتبع هواه ولكنه قد يجتهد ويخطئ لأنه ليس معصوما بل العصمة عند أهل السنة للأنبياء فقط لا الصحابة ولا غيرهم والصحابة خطأهم قليل ثم هو باجتهاد وليس بهوى وكان منهم من يخطئ فينبهه أخوه فيرجع وهذه ميزتهم وهذه ميزتهم والأئمة كذلك الشافعي اجتهد وألف كتبا في العراق ثم ذهب إلى مصر وزاد علمه بالسنة فوجد أن آراءه التي كتبها في العراق فيها أخطاء فغير المذهب الأول تماما وأنشأ مذهبا جديدا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كلامه رضي الله عنه أجمع المسلمون أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان بدءا من الصحابة إلى آخر الناس فلا يتعصب لواحد مهما بلغ من الفضل والمكانة فضلا عن أحمق جاهل كذاب وتقدم آراءه على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. Donc le cheikh, il dit que les ulama, ils ont tous combattu le fanatisme. Et il n'y en a aucun d'entre les ulama, excepté qu'il a combattu le fanatisme. Il a combattu le suivi aveugle. Et ils ont déclaré qu'on peut prendre de tout le monde. On peut prendre ou laisser de n'importe qui sa parole. On peut prendre ou laisser de n'importe qui sa parole, excepté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le messager, tu n'as pas le choix de prendre ou de laisser. Tu dois absolument prendre tout. Mais n'importe quel autre que le messager, tu as le choix de prendre ou de laisser, excepté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh, il dit même les individus parmi les sahaba, on prend d'eux ce qui est en accord avec la sunna. Et ceux qui contredit la sunna à cause d'un ijtihad, on le rejette aussi. Parce que le sahabi, même s'il ne suit pas sa passion, mais il est possible qu'il fasse un ijtihad ou un effort de jugement pour trouver une réponse et qu'il se trompe. Il n'est pas infaillible. L'infaillibilité chez les gens de la sunna, elle n'existe que chez les sahaba. L'infaillibilité pour les gens de la sunna, elle n'existe que chez les prophètes seulement, et non pas chez les sahaba, ni personne d'autre, seulement chez les prophètes. Donc les sahaba, ils peuvent se tromper, mais leurs erreurs sont très peu nombreux comparées à ceux qui viennent par la suite. Et en plus, quand ils font une erreur, les sahaba, c'est uniquement par ijtihad. Et jamais par leur passion, ou bien à cause qu'ils ont suivi une passion. Donc, lorsque l'un d'entre eux faisait une erreur quelconque, eh bien, souvent, un autre parmi les sahaba, un autre parmi leurs frères, venait et leur clarifiait la vérité, et ils revenaient à la vérité tout de suite. Et ça fait même partie de leur particularité. Et qu'est-ce qui les distingue? De même que les grands imams, parmi les imams de l'islam, comme l'imam al-Shafi'i, il a fait beaucoup d'ijtihad et il a écrit des livres. Et parmi les livres qu'il a écrits, il a écrit un livre en Irak, dans lequel il a écrit ses positions dans le fiqh. Et c'était son madhab. Puis ensuite, il a voyagé, il est parti en Égypte. Et par conséquent, à cause de ce voyage, il a appris beaucoup des choses qu'il ignorait de la sunna. Pendant ce voyage-là, il a appris des choses qu'il ignorait lorsqu'il était en Irak. Alors, il a pris des positions en Égypte qui venait en contradiction avec ce qu'il avait écrit en Irak. Et il a considéré que ce qu'il avait écrit dans son livre lorsqu'il était en Irak était une erreur. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé complètement son madhab. Et il a écrit un madhab nouveau une fois qu'il est rendu en Égypte. À cause de la science qu'il a apprise quand il était en Égypte, qu'il ne connaissait pas lorsqu'il était en Irak. Et c'est selon le livre d'Allah et la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et même qu'il est rapporté de l'imam al-Shafi'i qu'il a dit une parole célèbre. Il dit, les musulmans sont tous d'accord sur le fait que lorsque une sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam a été clarifiée à quelqu'un, il n'a pas le droit de la laisser pour la parole de quiconque. Il n'a pas le droit de la laisser, cette sunna, pour la parole de quiconque. Peu importe qui il est. Donc, en commençant par les sahaba jusqu'à la dernière des personnes. Et on n'a pas le droit de s'attacher fanatiquement à quiconque d'entre eux. Peu importe ce qu'il a atteint comme degré. Peu importe ce qu'il a atteint comme mérite. Et sans parler de ceux qui sont stupides ou ignorants ou menteurs et qui mettent leur position au-dessus du livre d'Allah et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. فَالَّذِينَ يُقَلِّدُونَ الْمَذْهَبْ أو الْمَذَاهِبْ عَلَى مَا فِيهَا مِنْ خَطَأْ وأنكر عليه العلماء خير من هذه الانتماءات الحزبية التي يقلد فيها الجهال والسفهاء اتخذوا رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء بل يكون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده وموالاة ما يواليه ومعاداة ما يعاديه يعني أخذ العهد قد لا يكون كلاما ولكن واقعا ولسان حاله هو أنك لا بد أن تأخذ برأيه ونحن نبرأ إلى الله من كل في كل مرة أن يأخذ الإنسان قولنا بهواه فهذا لا يرضاه الله عز وجل فلو اختصم اثنان وأنت أيدت الذي تراه صاحب الحق ولو كان الحق معه وأنت أيدته بهواك فأنت مأثوم لأنك يجب أن تكون متجردا لله تعالى فلا تريد إلا الحق ولا تنصر إلا الحق قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدان أو الوالدين والأقربين فإذا أخطأ أبوك في قضية وخصمه من أفجر الناس أو كافر وأبوك صالح تقي ولكن الحق مع هذا الخصم فيجب أن تقول كلمة الحق في الدين أو الدنيا أما من قلد شخصا بهواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية وإن كان متبوعه مصيبا وعلمه هذا غير صالح وعمله هذا غير صالح أما إن كان متبوعه مخطئا فهو آثم فيجب أن يتجرد الإنسان لله ويبحث عن الحق ويتبع أهله وينصر هذا الحق وينصر أهله وهذا هو المطلوب من المؤمن وأرجو أن لا يكون فيكم أحد يتبع هواه أو ينصر الباطل والذي عنده شيء من هذا الضعف فعليه أن يتقي الله في نفسه ويتوب إلى الله ويعلم أنه لن ينفعه فلان ولا فلان وأنه إذا اتبع هواه في موافقة فلان أو فلان فهذا مرض وداء وبيل وخطر عليه شديد فعليه أن يتوب إلى الله ويسلم وجهه وقلبه لله لأن هذا هو مقتضى الإسلام قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا أسلم نفسه لله ودينه وإخلاصه وعمله لله فلا يدور إلا مع الحق وهذا هو الإسلام ولا أحسن من هذا دينا وفقكم الله وسدد خطاكم Donc le Cheikh il termine donc cette explication en disant que ceux qui suivent aveuglément des madhahib avec ce qu'il y a dedans comme erreur et les ulama ont condamné ces erreurs il est quand même meilleur que ceux qui s'attachent aujourd'hui à des différents attachements des différents partis qu'ils suivent aveuglément, alors que dedans ce sont des ignorants et des faibles d'esprit. Et ils les ont pris comme des têtes, hein, ils ont pris comme chefs des ignorants qui se sont égarés eux-mêmes et qui ont égaré les autres. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit dans cette parole célèbre qu'il a dit, que les enseignants ne doivent pas rassembler les gens en groupe et en partie hein, et faire ce qui va jeter de l'animosité et de la haine entre eux. Plutôt, ils doivent être comme des frères qui s'entraident hein, dans la bonté et dans la piété. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 2 dans Surat Al-Ma'idah, et collaborez ou entraidez-vous les uns les autres dans la bonté et dans la piété. Et ne vous entraînez pas les uns les autres dans le péché et la transgression. Donc personne n'a le droit de prendre un engagement, d'être d'accord avec tout ce qu'une personne veut, et d'être allié avec tous ceux qui sont alliés avec lui, et de prendre pour ennemis tous ceux qui sont ennemis avec lui. Et donc, prendre un engagement, des fois, de ce genre, c'est pas nécessaire que ce soit avec la parole. Des fois, ça peut être dans les actes ou la façon dont tu agis. Hein? Donc, comme on dit en arabe, lisanu hal, lisanu halihi. C'est-à-dire, son état parle, hein, à sa place et nous dévoile que c'est ça sa position. Parce que tu ne prends que selon son opinion, même s'il est dans l'erreur. Et nous, il dit, le cheikh, il dit, nous, on se désavoue devant Allah à chaque fois que quelqu'un prenne notre position selon sa passion. Hein? Et ça, on n'a jamais agréé cela. Et Allah n'a jamais agréé ce genre de choses et n'est jamais satisfait de ce genre de choses. Il dit ici à deux personnes qui ont une dispute et toi tu défends celui que tu considères comme étant sur la vérité. Il dit même si la vérité est avec lui, mais toi tu l'as défendu uniquement parce que c'est selon ta passion. Alors dans ce cas-là, tu es dans le péché. Et il dit, parce que il est obligatoire pour toi d'être, yani, uniquement avec Allah et pour Allah. Et de ne pas vouloir autre chose que la vérité. Et ne défendre que la vérité. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans le verset 135, dans Surat An-Nisa, il dit ce qui signifie, ô les croyants, soyez strictement des gens qui sont justes et droits dans la vérité et des témoins véridiques, comme Allah l'ordonne, même si c'est contre vous-même ou contre vos pères et vos mères ou contre vos proches parents. Donc le cheikh, il explique ce verset. Il dit, c'est-à-dire que si par exemple, ton père, il a fait une erreur dans une question quelconque, et que son opposant, ou la personne avec qui il a le conflit, c'est la plus perverse des personnes, ou même un kafir. Alors que ton père est un homme pieux, un homme qui est bon. Sauf que la vérité est avec l'opposant de ton père. Alors il est obligatoire pour toi de dire la parole de vérité, même si c'est contre ton père. Et tu dois donc, selon la religion, défendre la vérité. Que ce soit à cause d'une question de religion ou une chose qui a rapport avec la dunya, tu dois défendre la vérité et dire la vérité, même si c'est contre ton père, même si c'est contre ta mère, même si c'est contre tes parents proches. Et défendre ceux qui sont sur la vérité, même si ce sont des koufars ou des gens qui sont pervers. Il dit toutefois, celui qui suit aveuglément une personne à cause de sa passion, et qui la défend, hein, avec sa main ou avec sa langue, sans avoir de connaissance, hein, que la vérité est avec lui, alors ça fait partie des choses qui font partie des caractéristiques des gens de l'ignorance et de la jahiliya. Hein? Même si la personne qu'il est en train de suivre, c'est elle qui a la position véridique, et même si c'est lui qui a raison. Mais du fait qu'il la défend pas parce qu'il a raison, il la défend uniquement parce qu'elle est en accord avec sa passion. Et cette action-là, dans ce cas-là, hein, c'est une action qui n'est pas bonne de sa part. Il dit, tandis que si celui qui l'a suivi est dans l'erreur et qu'il le défend malgré tout, alors là, il est dans le péché. Et donc, il est obligatoire aux croyants d'être sincères envers Allah et de chercher la vérité, et de suivre les gens qui sont sur la vérité, et de venir au secours de cette vérité, et de venir au secours des gens qui sont avec cette vérité-là. Et c'est ça qui est exigé de la part du croyant. Et il dit, et je souhaite, et j'espère, qu'il n'y ait parmi vous personne qui suit sa passion et qui défende le faux. Donc celui qui a en lui-même quelque chose de ce genre, alors ça fait partie de la faiblesse. Alors il doit se préserver d'Allah en lui-même et se repentir à Allah. Et il doit savoir que un tel ou un tel ne pourront pas lui venir en aide ou le profiter en quoi que ce soit au jour de la résurrection. Parce qu'il a suivi sa passion et il a été en accord avec un tel ou un tel uniquement parce que c'était selon sa passion. Et ça, c'est une maladie. Et ça, c'est un mal. Hein? C'est une maladie dangereuse, très grave. Alors, il doit se repentir à Allah et il doit soumettre sa face et son cœur à Allah seul. Et ça, c'est ce qui est impliqué par l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 125, dans Sourate An-Nisa, « Et qui est meilleur en religion que celui qui a soumis sa face à Allah et qui est sincère, qui est muhsin, c'est-à-dire qui est, yani, bienveillant et qui perfectionne son adoration et qui suit la religion d'Ibrahim, qui était un pur monothéiste. » Il dit, il a soumis donc sa face et son âme et son être tout entier à Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa religion, hein, et ses œuvres, il les a purifiées pour Allah seul. Donc il ne va tourner que avec la vérité. Et il ne va aller que avec la vérité. Et voilà ce qu'est l'islam. Hein? Et donc il n'y a personne qui sera meilleur en religion que celui qui répond à cette description-là. Et donc, Allah vous donne tous le succès et la droiture. Hein? Qu'il redresse vos pas. وفقكم الله وسدد خطاكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين. Donc, on a terminé le cours d'aujourd'hui. Donc, c'était juste une question, une réponse. Mais comme je vous avais dit, c'était une question, une réponse qui était très longue. Et on n'a pas pu faire plus que cette question-là pour aujourd'hui. Donc, c'est une des questions qui était parmi les plus longues dans le livre. Et les autres sont beaucoup plus courtes. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, on continuera la semaine prochaine. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.